Il croit la sens, la quitte toute pays, il arrive en France, il retravaille. La trouve sac, l'amène à nous là. La trouve sac, l'amène à nous là. La trouve sac, l'amène à toi là. La trouve sac, l'amène à toi là. La trouve sac, l'amène à nous là. La trouve sac, l'amène à nous là. La trouve sac, l'amène à toi là. La trouve sac, l'amène à toi là. Et creuse-moi les noirs comme un Catherine. Il danse, il secouille le Maloya. Seulement les mots couleurs. Mon papa, maman, il pleure. Un continent, il appelle à moi. Un continent, il appelle. Mon couleur, mon couleur. Mon couleur, la garde, mon couleur. Mon couleur, mon couleur. Mon couleur, la garde, mon couleur. Là-bas dans l'Afrique.